Il se fait tard, joue la pétard. Métal coffré pour pas sur pétard. Et nos faces m'attendaient à l'étage. Pas de bol, il me rattrape sur la costa. Et qu'on soit à Londres ou à l'air, on veut juste barrer ailleurs. Je veux briller à Londres ou Palerme. Vestir les visages pâles. Au pied du mur, je demande pas de l'aide. Pris en chasse, gros, j'accélère. J'arrive en ballant et c'est l'air. Mes portes papillons portent l'œil. Là, je suis vers Malaga, Benal Modena. Je redescends, je prends vers Marbella. Avec ma hella, voilà, RS3 gris, je me balade. Je la kiffe comme elle est, c'est ma life. J'ai tout claqué, je suis malade. Lyon, Paname, oh, ah, son du ghetto, ah. Derrière, y'a les 4 pots. Abrivar et Bozir sous le capot. Le poteau, les cuisses, sérieusement la poids de peau. Ils viennent prendre 15 piges pour un bras à peau. Ce soir, je dépasse mes limites. Une page, t'élimine. Une frappe, je la mets dans le mine. Mec, si tu n'as pas la mentale, tu mérites aucune balle. Coach, là, c'est direct dans le beat. Y'a pas dis libidi, j't'ai fou. Non, mais les belles, c'est le saut. Jusqu'à Malaga, ou Kataka, mon gars. Là, j'suis vers Malaga, Benal Modena. J'redescends, j'prends vers Marbella. Avec ma hella. Voilà, RS3 gris, j'me balade. J'la kiffe comme elle est, c'est ma life. J'ai tout. Je suis malade, Lyon Paname, oh, oh, ah, le son du ghetto, ah, voilà, RS3 gris, je me balade, je la kiffe comme elle est, c'est ma life, j'ai tout claqué, je suis malade.